Marianne de Nicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. De tous les gens que Monsieur Proust a connus, le comte Robert de Montesquiou, dont il s'est inspiré pour le baron de Charlus, est celui dont il m'a le plus parlé. « C'est le noyau de mon affaire », disait-il. Montesquiou avait une très grande culture, et c'était le genre de choses qu'admirait toujours Monsieur Proust. Il était aussi d'une grande intelligence. Même si le soleil de sa vanité et de son orgueil empêchait souvent qu'on la voie, précisait Monsieur Proust. Tant qu'il a eu besoin d'étudier le personnage, il l'a suivi pas à pas. Je pense que peu à peu, il a dû se créer une espèce d'inquiétude chez le comte, devant la manière feutrée de Monsieur Proust à son égard. Il devait se sentir jugé. En même temps, il piaffait dans son orgueil. Il n'avait vu d'abord qu'un charmant jeune homme, intelligent, attentionné et poli. Ensuite, il a décelé l'écrivain. Et quand on a commencé à parler des livres, il est bientôt devenu jaloux. Mais il est incontestable qu'au début, il avait été pris par le charme. Il appelait Monsieur Proust « l'oiseau bleu ». Ce qui fascinait le plus Monsieur Proust chez Montesquiou, tout en l'emplissant d'un étonnement sans nom et d'une sorte d'horreur, c'était son insolence et sa méchanceté. Il ne tarissait pas d'histoire à ce sujet. Il me disait « son triomphe est de faire rater une soirée en contrariant la maîtresse de maison ». Et il peut pousser la chose jusqu'à la grossièreté, jusqu'à l'affront délibéré. De nombreux exemples qu'il m'en a cités, je me rappelle l'histoire d'un grand dîner où Montesquiou s'était retrouvé avec pour voisine une certaine dame qui n'était pas de son goût ni de son choix. Eh bien, savez-vous, Céleste, dans l'espèce de demi-silence qui se fait au début d'un repas, quand les gens se saisissent de leur fourchette, on a entendu éclater tout à coup la voix de trompette de Monsieur de Montesquiou, qui disait en s'adressant à l'hôtesse « « Madame, je ne comprends pas que vous ayez pu placer à côté de moi un chameau pareil. » Inutile de vous préciser les faits. La maîtresse de maison était dans tous ses états et ne savait que répondre. Quant à la voisine du comte, elle eût volontiers disparu sous sa chaise ou souhaité que le lustre s'écroulât au milieu de la table. Monsieur Proust ajouta « Le pire est que c'était purement gratuit. Sa malheureuse voisine était de son monde et ne lui avait jamais rien fait que des amabilités. » Ce qui est plus étrange encore, c'est que même dans la grossièreté, il gardait un côté si grand seigneur que tout le monde lui passait ses foucades. Il y avait un silence gêné, les gens baissaient le nez, on aurait dit que toute la table se repliait comme une fleur. Puis les conversations reprenaient avec d'autant plus de vivacité que chacun cherchait à racheter l'amusement qu'il avait pris en secret à l'incident. Monsieur de Montesquiou portait la tête renversée d'un air supérieur et il était perpétuellement cambré. C'était d'autant plus remarquable qu'il était grand, maigre, avec le nez très arqué et des moustaches retroussées et filées à la pommade. « On croirait un cobra cabré », disait Monsieur Proust, qui l'imitait admirablement. De fait, il l'imitait si bien qu'au début de leur relation, le bruit en était parvenu au comte qui s'en était fâché. Il avait fallu toute la diplomatie de Monsieur Proust pour lui expliquer que c'était de sa part non de l'ironie ou de la moquerie, mais la preuve de la grande admiration qu'il lui portait. La poursuite s'est continuée par correspondance, mais c'était surtout le comte qui poursuivait. La principale raison en était naturellement que Montesquiou se reconnaissait dans le baron de Charlus. La première fois qu'il a cru se reconnaître, me disait Monsieur Proust en riant, il était comme un lion en cage. Monsieur Proust l'a empapilloté de ses explications et le comte s'est rendu à ses discours. Ce qui est une certitude, c'est que la dernière visite de Montesquiou à Monsieur Proust eut encore trait au baron de Charlus. C'était en 1919. C'est la seule fois où j'ai vu le comte. C'était inoubliable. Il y avait des années que Monsieur Proust ne l'avait revu, il n'en avait plus envie. D'une part, il avait fait le plein du personnage. D'autre part, il ne cachait pas que Montesquiou lui faisait un peu peur. C'était celui-ci qui lui avait exprimé dans une lettre le désir de cette visite. Monsieur Proust n'en voulait pas. Arrive un télégramme. « Marcel, je pars pour le midi. Je passerai vous voir ce soir. »« Je ne veux pas le voir, Céleste. Absolument pas. Nous allons nous arranger en conséquence. »« Je sais qu'il se couche tôt maintenant. Vous allez lui téléphoner et vous lui expliquerez que vous ne m'avez pas encore vu et que vous ne savez pas à quelle heure vous me verrez. Et que je vous ai dit ce matin en vous quittant que je voulais me reposer. Ah mais non, ça n'ira pas. Si vous téléphonez, il aura bien fallu que j'aie lu le télégramme. Non. Racontez-lui que j'ai une énorme crise, que je ne sais pas quand elle s'arrêtera et que si jamais je peux le recevoir, ce ne sera sûrement pas avant 2 ou 3 heures du matin. Bien. Je vais téléphoner. J'ai le compte au bout du fil, il me laisse débiter mon histoire, puis il me dit « 2 heures du matin, j'y serai ». Sans réplique possible. Je dois reconnaître que M. Proust était bien attrapé. À 2 heures du matin, on sonne. J'ouvre la porte à un homme d'une 60aine d'années, qui a l'air d'un châtelain de campagne aux joues fripées comme peintes, avec un grand manteau gris, très élégant, et un foulard blanc noué autour du cou. Je le regarde. Lui aussi m'inspecte de son haut. Il entre et je vois tout de suite sur le visage et dans l'homme l'importance. Il me jette un regard perçant et me prie de l'annoncer. Naturellement, après avoir parlé quelque temps avec M. Proust, Montesquieu a amené la conversation sur ses vers et s'est mis à en réciter. J'entendais cela de ma chambre. Non pas la voix, à cause des murs de liège, mais les coups de talons qui ébranlaient les planchers. Car le comte tapait du pied pour souligner l'importance de la phrase ou du vers. Monsieur Proust en était encore ému après. Il m'a dit « J'étais malheureux à la pensée de ce tapage. Alors que tous les locataires de la maison ont la gentillesse de faire le ménage sans bruit le matin pour ne pas me réveiller ni me gêner. Mais pourquoi ces manières, monsieur ? Parce qu'il a besoin de se convaincre lui-même, Céleste. Vous ne le penseriez pas, mais il est très malheureux de ne pas être un grand homme. » Il aurait voulu que ses écrits fassent un triomphe et demeurent, et j'ai bien peur qu'il n'en soit pas ainsi. Et lui, il en a encore plus peur que moi. Savez-vous ce qu'il m'a demandé avant de partir, Céleste ? Il m'a dit « Marcel, enfin, je voudrais bien savoir ce que devient votre baron de Charlus. » Monsieur Proust ne m'a pas dévoilé ce qu'il lui répondit, mais à son sourire, j'ai compris qu'une fois de plus, il l'avait endormi. Pour finir, Montesquieu lui a dit « Je voudrais faire un long voyage, d'où je reviendrai avec les cheveux blancs. Je ne m'en vais que dans le midi. De Nice, je vous enverrai des chocolats dorés. » Je revois toujours M. Proust me rapportant cette dernière phrase. « Si jamais il envoie des chocolats, jetez-les directement à la poubelle sans ouvrir le paquet. Il contiendrait un poison que cela ne m'étonnerait pas. » Il n'y eut jamais de chocolat et il n'y eut plus de lettres. L'année d'après, le comte est mort dans le midi. C'est bizarre, Céleste, mais il y a des moments où je ne crois pas que le comte Robert soit mort. Et il a ajouté, en parlant de lui au présent, comme s'il n'avait pas douté du factice de cette mort, « Vous n'imaginez pas l'idée qu'il a de lui-même. » J'ai toujours pensé que, à cet instant, dans son esprit, la confusion des personnages s'était faite. Il voyait Montesquieu encore vivant dans Charlus. D'ailleurs, je crois que depuis longtemps, le comte avait cessé d'exister pour M. Proust. Il était devenu une de ces personnes de songe dont il est question dans son livre « Le temps retrouvé ». La vraie réalité, c'était Charlus. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenir recueilli par Georges Belmont et publié aux éditions Lafon. Thank you.